Chapitre 14e, Conte Ostiaque. Un jour, sept ostiaques se réunirent pour aller faire une chasse. Chacun met attelé trois rennes à son traîneau, et chacun s'était muni de vivres, sans toutefois se préoccuper beaucoup de la nourriture, car ils pensaient bien que le gibier qu'ils devaient tuer à coup sûr suffirait à leurs besoins. Vain espoir. Pendant trois jours consécutifs, la chasse fut toujours malheureuse. Mais si les chasseurs s'attristaient de leur maladresse, ils ne se décourageaient pas, et tentaient la fortune pour n'avoir pas la honte de rentrer chez eux les mains vides. Le butin était bien un triomphe d'amour-propre, mais surtout une nécessité, car les familles des sept chasseurs étaient dans l'indigence. Parcourant la forêt dans tous les sens, ils se trouvèrent en vue d'une vaste plaine d'une aridité effrayante. Pas un brin d'herbe, pas un arbre ne se montrait à la surface de ce terrain. Les chasseurs demeurèrent stupéfaits. Ils connaissaient bien le pays, et n'avaient encore rien vu de semblable. Ils convinrent de traverser la plaine pour découvrir soit un ruisseau, soit quelque végétation, soit enfin une hutte ou une cabane. Mais ils avançaient, et l'aspect ne changeait pas. La faim, la soif se faisaient sentir, et les provisions étaient presque épuisées. Ces mâles visages, ces natures faites pour la fatigue, exprimaient la plus profonde détresse. Ces hommes, au cœur fort et courageux, poussaient des cris d'angoisse. « Qu'allons-nous faire ? » dirent-ils. « Irons-nous en avant ou retournerons-nous sur nos pas pour entrer sous notre pauvre toit plus misérable que nous n'en sommes partis ?» Au moment qu'ils tenaient conseil, ils aperçurent à l'horizon une trombe de neige poussée par un vent furieux. « Nous allons périr, » dirent les chasseurs. « Il n'y a aucun abri, aucun espoir de salut. »« La neige va nous ensevelir, » reprit l'un d'eux. « Mais quand la trombe aura passé, nous pourrons revenir à la surface en travaillant tous les sept des pieds et des mains. » À peine ces paroles étaient-elles prononcées, que les chasseurs virent devant eux un géant, fils d'un mammouth antédiluvien, et qu'il portait dans sa main un arc gigantesque. J'oubliais de dire que le géant était monté sur un traîneau. « Où allez-vous? Que faites-vous là ? » dit l'être surnaturel d'une voix tonnante. « Nous tentons le hasard de la chasse, » répondirent les chasseurs. « Mais le malheur nous poursuit et nous n'avons trouvé ni bois ni gibier. « Dirigez-vous vers l'Orient, » reprit le géant, « quand vous verrez trois grands mélèzes et une grosse pierre qui sera à côté du tronc pourri d'un chêne séculaire, la fortune viendra à vous. Le gibier vous surprendra par sa beauté, sa variété, son abondance. « Mais comment arrivons-nous à l'endroit indiqué ? » dirent les chasseurs. « Nous sommes désorientés, perdus. Nous ne voyons qu'une nappe de neige interminable. » Le géant tira une flèche du fond de son traîneau, l'ajusta à son arc, la lança dans l'espace et dit « Suivez la trace qu'elle aura marquée. » Les chasseurs obéirent. Ils suivirent la direction de la flèche et arrivèrent à l'endroit où cette flèche était fixée dans la neige. Tous se précipitèrent pour s'emparer le premier du talisman, mais la force des sept hommes ne put parvenir à le déraciner. Il faut dire que la flèche était proportionnée à la main qu'il avait lancée. Après la première émotion, les chasseurs se prirent à regarder autour d'eux. Quelle ne fut pas leur surprise en apercevant les trois mélèzes, la grosse pierre et le tronc d'arbre. Bientôt, toutes les prédictions du géant se vérifièrent, car ils ne tardèrent pas à voir de ça et de là une immense quantité de gibier. Un coup de fusil tiré au hasard abattait un renard ou une hermine. La chasse, aussi facile que magnifique, fut si considérable que les sept traîneaux avaient peine à la contenir. Les chasseurs pensèrent un moment qu'il serait prudent de regagner leur gîte après un si riche butin. Mais en se voyant à l'endroit même où ils avaient fait la rencontre du géant, ils s'arrêtèrent et se demandèrent si la reconnaissance ne leur commandait pas d'aller remercier leur bienfaiteur. La chose était possible, car on distinguait sur la neige les sillons du traîneau qui avait emporté le géant. Ils suivirent cette direction, et chemin faisant, ils rencontrèrent encore le plus beau gibier. Mais ils ne voulurent pas s'arrêter, tant ils étaient empressés de contempler leur sauveur. Enfin, l'asile sacré leur apparut, et le géant, comme un simple mortel, vint à leur rencontre, suivi de son épouse et de son père. Après les salutations réciproques, le géant sortit un moment, tua 14 rennes, et ordonna à sa femme de les préparer le mieux possible pour le souper, mais il commença par en détacher les têtes et les offrit aux chasseurs. Les ostiaques sont très friands de ce régal. Cependant, les chasseurs témoignèrent un grand étonnement, en voyant les apprêts du souper, et dirent modestement qu'ils ne pourraient pas manger tout ce qu'on leur servait. « Vous ferez comme vous l'entendrez, » répondit le géant. « Moi, je n'ai rien changé à mes habitudes. Ce que vous voyez là est mon ordinaire. » Les chasseurs, malgré la capacité de leur estomac, ne purent aller au-delà de deux rennes. Mais leur sobriété trouva sa récompense, car le géant fit mettre dans les traîneaux les restes du souper. Au moment d'aller se coucher, le géant fit apporter un grand nombre de fourrures, toutes plus belles les unes que les autres, puis il les offrit courtoisement aux chasseurs en disant « Je veux que vous dormiez sur ces fourrures, et demain vous les emporterez avec vous. » Quand le jour fut venu, les chasseurs se présentèrent devant le géant pour le remercier encore de sa généreuse hospitalité. Toute la famille était réunie. Le vieux père prit la parole et dit à son fils, le géant, « Laisserez-vous partir ces étrangers sans leur donner quelque témoignage de votre munificence ?» Le géant s'empressa d'obéir à son père. Il prit un lacet d'une longueur démesurée, le montra aux chasseurs et leur dit « Je vais prendre des rennes. Autant il en tiendra dans mon lacet, autant je vous en donnerai. » Cela dit, il sortit sans quitter l'avenue de son palais. Un coup de sifflet se fit entendre. C'était le géant qui appelait les rennes, et les rennes accoururent. Et il les attrapait soit par les cornes, soit par les jambes. Quand il en eut 30, il les distribua aux chasseurs. Ceux-ci se confondirent en remerciements, puis ils partirent. En cheminant, ils firent rencontre d'un troupeau de rennes de la plus belle espèce. « Ah, les belles bêtes !» s'écrièrent-ils. Puis l'un d'eux, plus hardi que les autres, osa proposer à ses compagnons de voler les rennes, ou au moins d'en prendre quelques-uns. « Celui à qui ils appartiennent, dit-il, ne s'en apercevra pas. Il est riche et heureux. Notre conscience sera tranquille. »« La même pensée me venait, » dit un autre. « Où peut-il cacher ses trésors ?» reprit un troisième, « car ses trésors doivent être à l'avenant de ses rennes. »« C'est singulier, » ajouta le quatrième, « je songeais à cela. » En effet, reprennent le cinquième et le sixième, « vous avez tous 100 fois raison. Et quel mal ferions-nous en prenant quelques rennes ? Celui qui possède tant de choses a plus de bonheur qu'il en mérite. Rendons-nous la justice qu'on nous refuse. Prenons !» Et ils se mirent à voler tous les rennes qu'ils purent attraper. « Camarade, vous allez commettre un crime, » dit le septième chasseur. « Ingrat et voleur, c'est trop à la fois. On vous a comblé de bienfaits. Vous avez de quoi nourrir vos femmes et vos enfants pendant 6 mois au moins, et vous êtes encore possédé du démon de la convoitise. Ne souillez pas vos mains. » « Nous ne voulons ni de ta morale ni de tes conseils, » s'écrièrent les chasseurs. « Allons, à l'œuvre, et que celui qui nous blâme nous laisse en paix. »« Oui, je m'éloignerai de vous, mais avant de m'éloigner, je vous supplie encore de penser à vos enfants, car votre crime retombera sur eux. Nos enfants seront plus riches, c'est là l'important, et les tiens seront toujours pauvres. Sauve-toi, » ajoutèrent les voleurs, « ou sinon nous t'assommerons, nous serons plus sûrs de notre secret. » L'honnête homme réunit les rennes qui lui appartenaient légitimement, fit marcher son troupeau devant lui et partit, la conscience tranquille, mais le cœur triste. Quand les voleurs furent délivrés d'un témoin importun, ils s'emparèrent de 300 rennes et les rapprochèrent de ceux qu'ils avaient déjà pour mieux cacher leur vol. Tout en cheminant, s'arrêtant quelquefois pour voir si ses anciens camarades ne le suivaient pas, touchés peut-être par le remords ou par la peur, tout en cheminant, le brave Ostiaque réfléchissait. Ils étaient honnêtes, se disait-il, et un moment a suffi pour les rendre criminels. La richesse rend-elle malheureux, rend-elle plus heureux? Je ne le crois pas. J'ai vu des pauvres partager leur dernier morceau de pain, et je n'ai jamais vu des riches partager leur fortune. Tout à coup, il fut tiré de ses réflexions par un bruit sourd, étrange, et qui ressemblait à un tremblement de terre. Il s'arrête, épouvanté, et voit devant lui le géant dont les yeux jetaient des flammes et dont la bouche écumait de rage. L'Ostiaque aurait voulu être anéanti, il tremblait comme s'il eût été coupable. « Je ne suis, dit-il au géant, ni un ingrat, ni un voleur. J'ai ce que vous m'avez donné, je suis assez riche de vos bienfaits, je n'ai pas un vol impie sur la conscience. » Ces simples paroles persuadèrent le géant, qui se mit à courir d'un pas désordonné dans une autre direction. Il atteignit bientôt les véritables voleurs et leur dit « Vous avez abusé de ma bonté, vous êtes de l'âge ambitieux, vous serez punis. » Et en prononçant ces mots, il prit son arc et tendit la flèche dont j'ai déjà parlé. La flèche fut lancée et les 6 voleurs furent transpercés à la fois. Après cette exécution, le géant s'approcha de l'Ostiaque et lui dit « J'ai le pouvoir de punir les coupables et j'ai assez de puissance pour récompenser la vertu. Tu as résisté à la tentation des richesses. Tu as eu le rare courage de donner un bon conseil. Tu auras le prix de ta bonne action. Regarde, Autour de toi, tout t'appartient. Ces innombrables troupeaux t'appartiennent. Possède sans crainte tes richesses, et sois toujours honnête pour être digne de ton bonheur.